te ramène sa papidi. Yon seul maman, yon seul pidi. La paix voyait wash la caché, mais toute voisine a saisi. Malin déjà fait tout le monde, l'on a chez maman, pas de connaître. Histoire te ramène sa papidi. Yon seul maman, yon seul pidi. La paix voyait wash la caché, mais toute voisine a saisi. Malin déjà fait tout le monde, l'on a chez maman, pas de connaître. Ça vient gagner deux ou trois mois. Maman lui marque la balance. Maman dit tomber sans connaissance. Tout le monde l'on a chevoyé l'hôpital, tout est couragé. Ça vient gagner deux ou trois mois. Maman lui marque la balance. Maman dit tomber sans connaissance. Tout le monde l'on a chevoyé l'hôpital, tout est couragé. La déquelle tout j'en ai vu. Les glaviers dans la l'équité. Ni tombé sous que y'a une petite petite qui petite maman. Pour te voir côté sa débitrice. Ni c'est la déquelle tout j'en ai vu. Les glaviers dans la l'équité. Ni tombé sous que y'a une petite petite qui petite maman.